Bonjour à tous, voici une lecture artistique, historique et quelque peu politique d'une œuvre d'art réalisée par Jan Verhaas et intitulée « La revue des écoles de 1878 ». Diapositive suivante, voici l'œuvre. Et cette œuvre est conservée au Musée des Beaux-Arts à Bruxelles. Il y a des millions de touristes qui passent devant chaque année. Elle est dans le grand hall du Musée des Beaux-Arts. C'est une œuvre gigantesque puisqu'elle mesure 4 mètres de large sur 2,50 mètres de hauteur. On ne peut quasiment pas la manquer lorsqu'on visite le musée. Elle frappe par ses couleurs très chatoyantes. Et surtout par le côté très expressif des nombreux visages qui sont représentés dans cette fameuse revue des écoles de 1878. Planche suivante, voici Jan Verhaas, l'auteur de cette peinture. C'est un artiste du 19e siècle, belge, qui est né à Termonde et qui meurt à Bruxelles. Il est surtout connu pour ses peintures de genre et ses portraits, en particulier d'enfants. Sur la diapositive suivante, on voit du reste une autre très belle œuvre de cet artiste qui est conservée au musée de Gand, où on a la leçon de peinture autour de ses enfants. C'est une scène d'intérieur, typiquement de genre, mais aussi avec un goût assez exquis pour le détail, pour les couleurs et l'expression des personnages qui sont représentés sur la peinture. Alors revenons dans la planche suivante à la peinture. Mais de quoi s'agit-il, au fond, lorsque l'on parle de cette revue de 1878? Eh bien, en 1878, il y a plusieurs événements qui se passent en Belgique. D'abord, il y a des élections. Alors ça, c'est une chose importante. Les élections qui se passent quelques semaines avant ce fameux cortège ont vu les progressistes arriver au pouvoir. Et j'en parlerai tout de suite parce que c'est vraiment très important dans cette histoire. Il y a toute une connotation politique derrière ce tableau. Mais il y a aussi, en 1878, un anniversaire qui est les noces d'argent, le 25e anniversaire du mariage de Léopold II et de son épouse Marie-Henriette de Habsbourg. Alors on ne peut pas dire que ce fut un mariage très heureux, c'est de notoriété publique, mais néanmoins, ces noces d'argent furent fêtées dignement, comme la cour de Belgique pouvait le faire encore à cette époque, avec faste et bal et beaux costumes et cadeaux, etc. Et la scène que l'on voit ici se déroule devant le palais royal. On reconnaît... Sur la diapositive suivante, on le voit d'ailleurs très très bien, on reconnaît au fond l'hôtel de ville, la flèche de l'hôtel de ville. Et si on passe encore à la diapositive suivante, on voit un détail du palais royal, tel qu'il existe encore aujourd'hui, mais c'est avant cette transformation. Donc on n'a pas l'aileron, l'espèce de long couloir qui longe le palais pour rejoindre notamment l'hôtel de Bellevue et qui fait pendant un autre couloir sur la gauche quand on regarde le palais, mais on reconnaît très très bien le palais, notamment aux deux arcades qui se trouvent tout à fait à gauche et au balcon qui surplombe avec les colonnades. Alors, qui sont représentés sur ce tableau? Bien sûr, on voit le roi Léopold II, on le reconnaît assez bien à sa barbe, et à sa gauche, on a un invité de prestige qui est l'empereur François-Joseph d'Autriche, représenté également sur cette peinture. À sa gauche, c'est la reine des Belges, l'épouse de Léopold II. Et à la gauche encore, il y a le comte de Flandre, qui était le frère de Léopold II, lequel donnera naissance au futur roi Albert Ier. Alors, dans le cortège, derrière les enfants qui sont représentés, il y a un personnage très important. C'est le sixième personnage dans les hommes qui se défilent là derrière ces jeunes filles. Il s'agit de Charles Buls. Charles Buls n'est à ce moment-là pas encore bourgmestre, ni même échevin de l'instruction publique de la ville de Bruxelles. Il est en fait à ce moment-là président de la Ligue de l'Enseignement. Et on sait qu'à ce titre, il avait créé à Bruxelles l'école modèle, qui a été soutenue par la ville et qui a été le fer de lance des nouvelles pédagogies en Belgique, avec la création d'un bâtiment qui existe d'ailleurs toujours, qui est la Haute École Francisco Ferrer catégorie pédagogie, qui était un modèle, comme son nom l'indique, en termes d'architecture et en termes de pédagogie, puisque c'est là qu'Alexis Leuss, le grand pédagogue belge, allait développer les fondements de la pédagogie active en Belgique. Nous sommes, je vous rappelle, dans le dernier tiers du XIXe siècle. Donc c'est pour vous dire combien la Belgique avait devancé de manière admirable les nouvelles pédagogies et que Charles Buls et Alexis Leuss en ont été les chevilles ouvrières extraordinairement positives et actives dans ce domaine. Alors pourquoi est-ce que on a cette scène ici de revue des écoles? Qu'est-ce qui se passe au fond? Pourquoi est-ce que les écoles doivent aller défiler devant le roi en 1878 pour lui souhaiter beaucoup de bonheur dans un mariage qui était relativement raté, faut-il le dire? Mais en réalité, cette scène, et on va revenir à la dernière planche du diaporama, cette scène est profondément politique. Je l'ai dit au début, il y avait eu des élections en 1878 qui avaient mené les libéraux radicaux progressistes au pouvoir, qui avaient en fait dans leur programme la volonté de créer, à l'image de l'école modèle dont j'ai déjà parlé, un enseignement officiel, public, et surtout un enseignement indépendant de l'Église catholique. On voulait absolument avoir un enseignement en Belgique, les progressistes en tout cas voulaient cela, avoir un enseignement qui soit dégagé de toute confession, que la science puisse être expliquée sans préjugés religieux. Et ce sont au fond les fondements de l'école neutre, de l'école laïque. Évidemment, Charles Buls, qui militait pour cette cause, s'était bien rendu compte qu'il allait, en dépit de l'élection des progressistes à la tête du gouvernement, en dépit de la création, quelques semaines après, du premier ministère de l'instruction publique, il savait bien que ça allait être un combat difficile et qu'il allait avoir une forte opposition, notamment de la part des milieux catholiques qui étaient très prégnants en Belgique à ce moment-là. Et il fallait donc montrer le coup. Et il a fait appel à tous ses collègues, tous les collègues politiques des communes de Bruxelles, pour faire défiler l'ensemble des enfants qui étaient scolarisés dans les écoles publiques, donc dans les écoles communales. Et ces enfants, eh bien, ont été, les journaux le racontent, ont tous défilé devant le palais royal en criant « Vive le roi et vive l'école laïque ». Alors, on se rend compte que ce tableau, en fait, qui a l'air tout gentil, tout mignon, avec ces jeunes filles en uniforme blanc, avec leurs beaux bottillons, on se rend compte que derrière ce tableau, il y avait un message politique très clair qui est au fondement des valeurs que la ville de Bruxelles défend encore aujourd'hui, plus de 100 ans plus tard, c'est-à-dire un enseignement neutre, un enseignement qui encourage le pluralisme et qui protège de cette manière une vision tolérante et libre de la société.